C'est quoi ton blaze? Haroun. Tu représentes quoi? Paris Besba, tu connais le boulevard. T'es un connaisseur, rien qu'à l'intro, tu sais que c'est du lourd. Quand je rase, ça sent la patate du coaster. C'est ça que j'aime, j'avoue. Mais quand sonne l'heure de la scène, je fais face à la foule, les doigts dans le zèle. Attends, rapproche-toi, n'aie pas peur. Je suis de la scred, le groupe qui gonfle comme le bide d'une femme enceinte. Ni underground, ni commercial. Je grappe.